vie. J'suis ébloui. J'pense à ma vie, j'pense à cette fille et j'pars en vrai. Elle est chic, j'suis nostalgique. Viens dans ma zone et si ça se tue juste pour du stu. Pas la nuit, j'suis ébloui. J'pense à ma vie, j'pense à cette fille et j'pars en vrai. Elle est chic, j'suis nostalgique. Viens dans ma zone et si ça se tue juste pour du stu. C'est la rue, merci la haine, tout ça grâce à elle. J'suis dans le taxi, j'ai les yeux qui brillent. Tous ces soucis, je les oublie, j'vagabonde dans les rues de la vie. Elle m'a pris dans ses bras, j'suis tombé dans tel et son choix. Un jour on se reverra, j'avance seul, j'aurai pas de remords. Merci la rue, merci la haine, c'est grâce à elle et maintenant j'connais l'adresse. Paris la nuit, j'suis ébloui. J'pense à ma vie, j'pense à cette fille et j'pars en vrai. Elle est chic, j'suis nostalgique. Viens dans ma zone et si ça se tue juste pour du stu. Bah la nuit, j'suis ébloui. J'pense à ma vie, j'pense à cette fille et j'pars en vrai. Elle est chic, j'suis nostalgique. Viens dans ma zone et si ça se tue juste pour du stu. Moi la main, jusqu'à la fin. Et j'le vois dans tes yeux que tu vois que tu veux. Tu peux me croire, c'est pas un jeu. J'me souviens, j'dans ma peine, dans la tête j'en mets un peu. Viens on style, hey, j'ouvre un don pérignon. J'étais dehors et j'm'en souviens encore. Wow, j't'en mets dehors et j'm'en souviens encore. Tu te souviens de moi, on s'est regardé dans les yeux. Deux balles dans ta tête, j'mets 20 points sur le coin de la table. Dans ma street, tout est joli jusqu'à que tu laquais. La nuit, j'suis ébloui. J'pense à ma vie, j'pense à cette fille et j'pars en vrai. Elle est chic, j'suis nostalgique. Viens dans ma zone et si ça se tue juste pour du stu. Bah la nuit, j'suis ébloui. J'pense à ma vie, j'pense à cette fille et j'pars en vrai. Elle est chic, j'suis nostalgique. Viens dans ma zone et si ça se tue juste pour du stu.